nuages et d'éclaircies. Les températures se situeront entre 13 et 18 degrés pour ce lundi. Le vent reste orienté au secteur est la nuit prochaine. Demain matin, c'est bien de grisaille et puis ensuite des éclaircies progressives. 13 à 17 ou 18 degrés, ce seront à peu de choses près les mêmes valeurs. Un petit peu plus fraîche mercredi, paradoxalement, lorsqu'il y aura davantage de soleil. La fin de la semaine devrait rester a priori sèche, même si les nuages bas tardent un peu à se dissiper. Bon début d'après-midi à l'écoute de Vivacité, il est 13h. Redoutée et confirmée, ING se lance dans une profonde restructuration. Elle fait mal rien que dans les chiffres. 3150 licenciements en Belgique et la fin de 600 agences bancaires. Pour préserver l'avenir d'ING Belgique, vous dira le patron du groupe. La réponse des syndicats, ils demandent aux travailleurs d'arrêter le travail et préparent une grève. Ce sera vendredi. Des syndicats stupéfaits, les clients aussi. Quelle agence sera gardée? Quelle autre sera fermée? Beaucoup le reconnaissent aussi. Ils utilisent Internet pour les virements, par exemple. Jamais trop tard pour faire sa rentrée. Le premier cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Ces premiers cours sont donnés dans les écoles primaires de l'enseignement officiel. À Uccle, aucun couac. L'enseignante de morale s'en est chargée et les enfants ont bien compris la leçon du jour. Journal de la mi-journée, présenté par Delphine Vreux. Delphine, bonjour. Bonjour. Adopter une nouvelle manière agile de travailler, mais licencier aussi. ING Belgique se sépare de 3150 personnes, 3150 équivalents temps plein sur les 8500. ING Belgique fusionne avec sa filiale, Record Bank. 600 agences fermes, 600, c'est quasi une sur deux. Les syndicats sont choqués. Tant que l'on continuera à faire croire à l'opinion publique que la seule variable d'ajustement, c'est la masse salariale et les emplois ici en Belgique, eh bien, on devra subir ce genre de massacre social. C'est un choc émotionnel important et c'est aussi une incompréhension la plus totale possible, sachant que l'entreprise est saine. Pour l'instant, les délégués sont en train d'informer le personnel un peu partout, mais aussi dans les agences. Nous sommes en train de s'organiser pour pouvoir d'abord consulter les gens et leur expliquer ce que nous faisons. D'abord dans les sièges, parce que c'est plus facile. Mais dès demain, nous allons nous organiser pour qu'il y ait des assemblées pour l'ensemble du personnel des agences. Il y a déjà des agences qui ont dévoyé aujourd'hui? Il y a, en tout cas, nous avons des informations qu'il y a des agences qui s'arrêtent ou des gens qui ont carrément fermé la porte des agences en signe de protestation. Et nous appelons clairement l'ensemble du personnel d'ING d'arrêter le travail vendredi et de nous rejoindre pour l'action. Aneta Verstraeten, secrétaire permanente CNE, et Jean-Michel Capoun, secrétaire fédéral du CEDCA, au micro de Thierry Van Gulik et Ariane Dufresne. Vous venez de l'entendre vendredi, tous les travailleurs de la filiale belge du banque assureur néerlandais sont invités à se rassembler devant le siège à Bruxelles. Il pourrait y avoir jusqu'à 1700 licenciements secs. Les travailleurs seront encore informés demain lors de plusieurs assemblées générales. L'annonce est tombée très tôt ce matin, il était 7h. ING convoque la presse, l'annonce tombe, les explications aussi. La direction parle d'une décision difficile mais nécessaire. Écoutez l'administrateur délégué d'ING Belgique, Rick Vandenberg. Je suis très conscient de l'impact que ça a sur nos équipes d'abord et sur le monde extérieur. Mais j'insiste, c'est une transformation qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on doit faire aujourd'hui pour finalement mieux servir encore à l'avenir nos clients et pour être là à l'avenir également. En quoi est-ce que cette restructuration est nécessaire alors qu'aujourd'hui, et depuis des années d'ailleurs, votre banque est profitable, très profitable en Belgique? Oui. Mais donc, c'est nécessaire parce qu'il y a beaucoup de challenges pour l'avenir sur la banque, sur le secteur. Les taux extrêmement bas mettent une pression incroyable sur notre modèle, mais aussi la digitalisation. Le client qui veut vraiment, pour certains aspects de ses transactions avec la banque, avoir l'expérience, moi je dis toujours l'expérience WhatsApp, etc., tout doit être immédiat. Et donc, on doit pouvoir s'adapter, investir, pour faire cela. Et donc, on change pas mal de choses au niveau ING, dans la présence en Belgique. Mais finalement, c'est pour pouvoir donner plus de conseils et plus de digital vers les clients à l'avenir. Plus de conseils et plus de digital, de services liés aux nouvelles technologies pour le client. Le patron d'ING Belgique était au micro de Michel Gasset et d'Ariane Dufresne. Et pour le client aussi, l'annonce est brutale. Quelles agences vont devoir fermer et quand? Il n'y a pas encore de liste. Charlotte Legrand s'est rendue dans une agence de Nimi, près de Mons. Vous n'entendrez pas la réaction du personnel, il est là, mais sous le choc. Impossible aussi d'accueillir le client dans une situation pareille. Alors ce matin dans cette agence, le client se posait pas mal de questions. J'ai peur parce que avant il y avait Belfus ici en face, ils l'ont fermé. C'est triste, hein, on n'avait déjà pas beaucoup de contacts avec le personnel et on en aura encore beaucoup moins. Hein. C'est la technologie hein, qui remplace l'être humain. Quoi. On essaie de s'y faire, mais... Vous payez par Internet? De temps en temps, oui. Mais avec l'aide de ma fille, voilà, ça reste compliqué. Ça vous a fait un choc d'entendre autant d'emplois? Ben oui, ben comme tout le monde, hein, on n'a pas l'abri de perdre son emploi quoi, à l'heure actuelle. Et pour retrouver de l'emploi, c'est pas évident. Hein. Plus de 3000 emplois menacés. Ça, c'est énorme, énorme, énorme. Et Charles Michel va rencontrer les syndicats cet après-midi à 16h. Il rentre plus tôt que prévu d'une réunion au Luxembourg. Écoutez le Premier ministre. J'ai évidemment eu dès ce matin des contacts avec la direction de ING et je voudrais vous indiquer que le premier message que je veux adresser, c'est évidemment un appel à ING pour que la banque puisse totalement assumer ses responsabilités. Assumer ses responsabilités pour tenter de faire baisser le nombre de démissions, 1700 qui est annoncé comme étant un maximum, et faire aussi en sorte que la banque assume totalement ses responsabilités pour faire en sorte que l'accompagnement des travailleurs concernés puissent avoir lieu de la manière la plus optimale possible. Des propos recueillis par Fabien Van Eckhout. Autre réaction politique. Ne vous laissez pas embobiner, lance le ministre-président wallon Paul Magnette, également socialiste, qui est socialiste. À ses yeux, l'évolution technologique n'est qu'une partie de l'explication de la décision d'ING. Pour le président du MR, Olivier Chastel, il faut accompagner la révolution numérique plutôt que la subir. Le CDH appelle le gouvernement fédéral à assumer ses responsabilités, à anticiper l'avenir. Il faut que le fédéral sorte de son déni et change de stratégie économique, ajoute Écolo. Hasard du calendrier social, la première réunion de la Task Force Caterpillar s'est tenue aujourd'hui. C'est un groupe de travail mis en place par la Commission européenne et la région wallonne. La fermeture de l'usine engendre 2200 licenciements. Ce groupe doit réfléchir à une manière de mobiliser les fonds européens pour aider les travailleurs. Aujourd'hui, la première réunion a permis de faire le point sur les actions en cours et les perspectives envisagées pour l'usine Carolo, les sous-traitants et pour la région. Plusieurs témoignages de proches aujourd'hui au procès de Bernard Westphal à Mons. Moment particulier, la cour a visionné l'audition du fils de Véronique Piroton le lendemain du drame. Il y explique les disputes fréquentes au sein du couple. L'enfant assure que l'accusé n'a jamais été agressif ou violent avec sa mère. Et c'est elle, explique-t-il aux enquêteurs, qui s'emportait verbalement ou physiquement, surtout, dit-il, lorsqu'elle était ivre. Le tribunal de police de Bruges condamne Jordan Lukaku, 22 ans, à une amende de 1500 euros et à une interdiction de conduite pendant 15 mois. Le joueur de football n'était pas présent à l'audience, il n'avait pas remis son permis de conduire à la suite d'une précédente condamnation. En décembre 2013, février 2014 et avril 2014, le joueur avait été flashé à chaque fois à plus de 160 km/h sur autoroute. Jamais un cours n'aura été si compliqué à mettre en place, mais il est là, le fameux cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Un cours neutre, il remplace une ou deux heures de morale ou de religion. Si dans certaines écoles, la mise en place du cours est plutôt chaotique, dans d'autres, eh bien ça se passe très bien, comme ont pu le constater Aline Delvoye et Odile Lehert à l'école du Val-Fleury à Uccle. Qui va faire un petit rappel de tout ce qu'on va faire dans ce magnifique cours? Dorothée Thibault était professeure de morale. Elle donne maintenant cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. On va apprendre à vivre ensemble. On va comprendre oui, les cultures différentes. Cette année, les élèves parleront donc notamment de comment vivre ensemble, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance en Dieu. Il n'y a pas un côté les gentils, l'autre côté les méchants. Ça n'existe pas. Un message qui semble déjà bien passé auprès de ses enfants de 3e primaire. Il faut vivre ensemble là. Et pas toujours se disputer. être respectueux. Le gros plus de ce cours, selon Dorothée Thibault, c'est qu'on n'oppose plus morale et religion. Caroline Gigot, la co-directrice de l'école, partage son avis. Nous, on accueille ça de manière très favorable parce que c'est un cours qui rassemble tous les enfants de toute religion. Donc à un moment donné, il y a une réflexion commune, il y a un questionnement commun qui regroupe tous les enfants. C'est le cas une heure par semaine. Quant à l'autre heure de cours, les élèves pouvaient choisir de la passer en morale ou en religion, comme auparavant. Alors de la morale, nous n'avons plus aucun élève qui suit le cours de morale. Ils sont tous passés à l'éducation, philosophie, citoyenneté. Par contre, les enfants qui suivaient le cours de religion continuent à suivre cette heure unique de religion. L'école organisait déjà des ateliers de philosophie les années précédentes. L'adaptation s'est donc faite très facilement. En panne, les administrations communales ne peuvent pas commander, activer ou renouveler les cartes d'identité électronique depuis ce matin. Elles n'ont plus accès au registre national. Et pour se quitter le prix Nobel de médecine, le premier à être décerné, et il récompense le japonais Yoshinori Osumi pour ses découvertes sur l'autophagie. En résumé, et si j'ai bien compris, nos cellules sont capables de digérer leurs propres déchets, mais en cas de dysfonctionnement, cela peut déclencher des pathologies comme la maladie de Parkinson ou le diabète. Les découvertes de ce japonais de 71 ans permettent donc de mieux comprendre le renouvellement des cellules et le vieillissement. On va retrouver Pierre Collard-Bovy. C'est calme ce midi sur les routes? Oui, c'est relativement calme. Un tout petit ralentissement dans le tunnel derrière, ce vers le centre à Bruxelles. Un objet encombrant sur le 19 Valenciennes-Mons à hauteur entre Saint-Guilain et Jemappes. C'est la bande droite qui est encombrée. C'est un rouleau en bas ou bas, je ne sais pas très bien. Quoi qu'il en soit, faites attention, c'est en direction de Mons. Et puis un objet encombrant volumineux également, c'est un landau. Un landau, on espère que le bébé n'est plus dedans. Sur le ring de Bruxelles, circulation intérieure aux environs de Grimbergen. C'est en direction de Zaventem. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Je vous laisse avec Sylvie Honoré. Vous allez nous apprendre des gros mots? Qu'est-ce que vous venez de me dire dans mon casque? Oh, rien du tout. Qu'est-ce que vous venez de me... Est-ce qu'elle a dit, quelque chose hein? Moi, je n'ai rien entendu. Moi, oui. On se bouche les oreilles. Moi, oui. Oui, les gros mots, mais surtout pour les enfants. Pourquoi ils nous disent des gros mots comme ça? Ils se disent des gros mots, les enfants. Et pourquoi ils s'amusent à trouver des gros mots? On en entend partout. C'est vrai que c'est gay. Bah, elle va nous dire tout là-dessus. Nathalie Van Krijnes, mon invitée. Merci pour ce journal. L'info revient à 14h. Chez Cora, 20 euros d'achat égale un timbre. 25 timbres égale de 5 à 7 euros de réduction. Timbré, non? Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi 3 octobre, nouveau mois qui recommence. C'est un mois d'automne qui recommence, mais on nous annonce encore un peu de chaleur et un peu beaucoup de soleil ces jours-ci, on est très contents. Les gros mots donc, ce n'est pas bien, pourtant tout le monde en dit. Qui n'a jamais lâché un gros mot? Qui? Qui? Dans la bouche de nos enfants, ce vocabulaire fleurit, nous énerve, nous choque. Il nous renvoie au jugement, c'est vrai, des autres, par rapport à l'éducation que nous donnons à nos enfants. En disant « Oh, je t'ai pas éduqué comme ça, quoi, pourquoi tu dis ça devant tout le monde en plus? Qu'est-ce qu'on va croire ?» Allez, faisons le point pendant 2 heures, vous verrez, c'est pas si grave, car les gros mots ont aussi leur utilité et vous serez évidemment étonnés de l'apprendre. Venez d'ailleurs témoigner à ce sujet. Nous verrons dans cette émission qu'il faut d'abord distinguer gros mots, injures et insultes. Nathalie Van Krijnes, c'est pas la même chose, hein? Non, le gros mot, on le dit pour se défouler, tandis que l'injure, ça fait du bien. Ça blesse. Ah oui, l'injure, c'est en destination de quelqu'un. Oui, quoi, c'est... de quelqu'un de bien particulier qu'on a désigné, et donc il est blessant, et c'est un traitement tout à fait différent. Insulte, pareil, hein, c'est envers quelqu'un pareil, aussi. Quoi. Oui, mais oui. Le gros mot, c'est défouloir, quoi. C'est un défouloir. Ouais, c'est défouloir, mais c'est quand même pas beau, hein. Enfin, pas beau. Parce qu'on a dit que c'était pas beau, alors c'est pas beau. C'est parce qu'on mais qui a dit que c'était pas beau? C'est parce qu'on a décidé que c'était tabou. Qui a dit que c'était pas beau? Qui a dit, voilà. À vous de vous exprimer sur ce qui vous choque dans l'utilisation de gros mots par votre enfant. Venez nous dire que oh, vous êtes choqué, mais comment vous réagissez? Ça vous choque, d'accord? Qu'est-ce que vous lui dites? Bon, on ne dit pas ça, sûrement. Hein, on ne dit pas ça. Et l'enfant, ben pourquoi on ne dit pas ça? Il faut lui expliquer. 070 23 33 23. SMS 30 63. C'est vrai, quand on dit à un enfant, c'est pas beau. C'est pas beau, on ne peut pas dire ça. Ah, l'interdit, ça focalise directement. On en demande. Ah, mais oui. Bon, d'accord, je ne le dirai plus devant toi, mais devant les autres. Aussi, parce que c'est l'effet provocateur qui est important. Ah, oui, oui, oui. Donc, si l'adulte réagit de façon très, très stricte, l'enfant va prendre un malin plaisir à aller le provoquer. Coach scolaire, vous êtes Nathalie, vous étiez avec nous vendredi à Mons pour la grande et belle journée au profit de Cap 48. Quelle belle énergie, hein ? Une belle journée. Oh, une belle journée à toutes les personnes qui étaient présentes. Et on remet ça ce jeudi 6 octobre, rien ne nous arrête à Liège. On vous donnera les informations concernant cela. Vous pourrez soit vous inscrire pour toute la journée, 48 €, soit vous vous inscrivez que pour le soir. Parce qu'on se rend compte finalement que des personnes ne viendront pas parce qu'elles travaillent et que c'est un peu dommage. Donc on a fait aussi un prix unique de 25 € pour uniquement la conférence et le catering du soir. On aura l'occasion donc de vous le rappeler, c'est jeudi 6 octobre à Liège, à Médiacité, dans la salle La Griffe. C'est en plein centre commercial. Bon, les gros mots et nos enfants. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez vous exprimer, venez surtout nous dire comment vous faites pour dire à votre enfant que c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau, ça suffit pas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous lui dites dis plutôt ça à la place de ça, ou ne dis pas ça devant tout le monde, ou dis ça quand t'es tout seul dans ta chambre pour te défouler? Allez, venez prendre la parole, c'est parti. La vie du bon côté. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, prennent le temps, ne font que courir. Merci. C'est dur, je confesse. Enfin, je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie, abandonner. Que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Avec un homme debout, on parle des gros mots aujourd'hui, c'est pas bien, pourtant tout le monde en dit. Avec les gros mots, ne pensez-vous pas que votre enfant tente de se rendre intéressant? Les années caca-boudin et autres expressions scatologiques sont les expressions typiques des enfants maternels, hein. Caca-boudin, crotte, c'est un gros mot, crotte? Oui. Crotte, on peut pas? Oui, c'est un gros mot. Bon, elles sont souvent sorties de fou rire. C'est tellement délectable quand on est petit de pouvoir aligner crotte caca boudin d'un coup comme ça. En même temps. En même temps. Ouais, c'est vrai qu'on a envie de sourire, mais en même temps. Ben voilà, on se dit. D'abord, on se dit où est-ce qu'il a appris ça ? C'est souvent ça qu'on dit à l'enfant. Oui. T'as appris ça où ? Bah, à l'école maternelle. Oui, ou l'enfant, dès qu'on dit t'as appris ça où ? Il se sent accusé. Oui. Donc, il ne sait pas quoi dire. Non. Je ne vais pas dire que c'est ma copine, parce que alors, j'ai peut-être pu m'asseoir à côté d'elle. L'enfant dit. Donc, ce n'est pas bien. Mais moi, je pense que quand on est au crotte cacaboudin, il ne faut pas prendre la mouche. C'est un stade tout à fait normal dans le développement de l'enfant. Et là, je pense qu'il vaut mieux en rire. Donc ceux qui n'en disent pas auront des problèmes. Ouais. Alors, non, c'est pas, ils vont avoir des problèmes. Il vaut mieux le dire. Je préfère un cacaboudin qu'un autre gros mot qui commence par un P ou par un M. Oui, ça c'est les gros gros. À 3 ans, voilà, c'est plus normal d'avoir un crotte-cacaboudin que les gros mots en P ou en M. C'est joli, crotte. Oui. Et puis il y a des tas de choses à faire à partir de ça. Hein. Vous pouvez, voilà, moi j'avais pris comme petit rituel avec les miens, c'était juste dans la voiture. On avait le droit de faire des suites crotte cacaboudin comme on voulait, le plus vite possible. Ça exerce le langage. D'accord. 3 semaines. Après, ça n'a plus d'intérêt. Ah ouais, non. Quand, ouais, une fois qu'on en passe, rigole quoi. Et qu'on, ouais, qu'on en parle, ça n'a plus d'intérêt. Donc, allez. Voilà. On passe à autre chose. C'est là que ça se complique. Nathalie Van Krynest. Ça se complique, oui. Coach scolaire. Dans quelques instants, nous aurons Isabelle. Isabelle, elle a une fille, 8 ans et demi. Elle en dit très peu, mais les rares fois qu'elle les répète, les mots, Isabelle a une stratégie pour lui faire comprendre que vaut mieux dire autre chose. Elle nous le dira dans un instant. 070 23 33 23, SMS 30 63. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Di. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Di, faites-vous plaisir. Chérie, combien de temps avant 22h ? 8 secondes. T'es prête ? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti ! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat ? Je sais plus. Arrête-moi ça ! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Viviane, conseillère à la Maison de l'énergie. Nous aidons gratuitement les Bruxellois à diminuer leurs factures d'énergie à partir d'une visite à domicile qui permet de faire un petit peu l'état des lieux du logement et puis ensuite de préparer les travaux en faisant une analyse des devis, en choisissant avec eux la meilleure technique et en faisant éventuellement aussi un montage financier selon les besoins. Contactez la Maison de l'énergie au 02 563 40 00 ou sur maisonenergieheus.be avec le soutien de Bruxelles Environnement. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture ! Un système de navigation intégré, hyper clair. Parking sans stress, avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quel son ! Et avec plus de 8000 euros d'avantages, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8310 euros d'avantages sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. Pomme de Renette et pomme d'api, tapis rouge. Pomme de Renette et pomme d'api, tapis leaf. Croquante, juteuse, colorée, sucrée, acidulée, nature ou préparée, venez découvrir le meilleur des pommes lors de la fête de la pomme, le week-end des 8 et 9 octobre à la ferme Nopilif. La ferme Nopilif. Cultivons nos différences. Profitez de notre presse, amenez votre récolte de pommes et repartez avec votre jus. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. On met les mots gros, les gros mots. Mais les mots gros, les gros mots du bon côté aujourd'hui, puisqu'on vous dit, elle va vous le prouver, que ça a une certaine utilité, mais qu'il faut quand même cadrer, tout simplement. Oui, voilà. Hein, faut cadrer, c'est normal. Oui, on est là pour cadrer. Clarisse, elle nous dit sur la page Facebook, Sylvie, c'est vrai que c'est vulgaire. Mais quand le gros mot sort sur le coup de la colère, parce qu'on vient de se prendre pour la 3e fois le coin de la table au niveau du genou, qui est déjà douloureux, ça devient une bonne excuse, ou un vrai soulagement, non ? Voilà. Alors, Clarisse, elle a raison. Ça a été prouvé scientifiquement. Les gros mots ont un circuit particulier sur la douleur. Ils interceptent, ils court-circuitent les circuits de la douleur. Ça a été mis clairement... Ah ben voilà. Mais la science le dit. C'est la science qui le dit. C'est le professeur Kale, je pense, en Grande-Bretagne. Mais attention, pour que ça marche, il faut pas dire des gros mots toute la journée. Sinon, ça fonctionne plus. Il faut juste qu'à ce moment-là, quoi. Oui. Ouais. Donc, c'est utile quand même, les gros mots. Voilà. Juste comme le capitaine Haddock, quand on se tape le pied. Voilà. Sur... Voilà. Chantal, elle dit surtout en voiture, moi, Sylvie, j'en dis. J'ai honte, mais c'est le moment où j'en dis le plus. Si c'est limité à l'espace voiture. Papou nous dit parfois, c'est bon, ça soulage. Christiane, elle dit perso, je n'en ai pas, à part connard, je n'ai rien d'autre en magasin. Ça, c'est pas un gros mot, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. C'est dirigé vers quelqu'un. C'est dirigé vers quelqu'un. Alors, ça soulage quand c'est en voiture et que le conducteur ne l'entend pas, mais que, sur quelqu'un d'autre, c'est blessant. Oui, c'est blessant, c'est pas beau. Isabelle, bonjour. Bienvenue, Isabelle. Oui, bonjour. On parle de votre fille de 8 ans et demi. Oui. Qui en dit très peu. Oui, c'est vrai. Et quand est-ce qu'elle en dit, alors? Parfois, quand elle rentre de l'école, elle me dit certains mots, elle me demande la signification. Ah. Mais j'admets que je ne suis pas très insulte ni gros mot. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est de dire que c'est facile, quelque part, de critiquer les plus petits et les enfants, mais c'est plus compliqué de leur dire, de ne pas en dire, si nous-mêmes adultes, on le fait. Donc, moi, depuis petite, je n'utilise plus ce type de langage et je lui explique simplement que quand on a un langage pauvre en vocabulaire, on utilise plus facilement des mots qui n'ont pas trop de sens, même pour les enfants, et qu'ils utilisent à mauvais escient, et je préfère qu'elle utilise simplement un vocabulaire plus riche. Donc, je lui explique d'autres synonymes ou d'autres choses afin qu'elle puisse utiliser un vocabulaire différent. Et elle le fait. Voilà. Elle le fait. Elle le fait, mais parfois, c'est assez comique parce que les enfants viennent de l'école en disant, tu sais, maman, à propos des doigts d'honneur, eh bien, il y a des doigts d'honneur pour les Chinois. Et alors, je lui ai dit, bah, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je ne connais pas. Et elle me dit, en fait, elle me montre l'auriculaire. Mmh. Et alors, elle me dit, ça doit d'honneur chinois. Mais je pense qu'elle ne comprend pas à son âge la signification, l'humour par rapport à ça, même si ça vient de l'école primaire. Et donc, elle m'a demandé par rapport à ça ce que ça signifiait le doigt d'honneur. Et moi, à ce niveau-là, je n'ai pas voulu aller plus loin. Je lui ai dit, écoute, voilà, quand on utilise des gros mots, il faut essayer d'utiliser les mots qu'on connaît. Et je suis sûre que tes petits copains de classe ne savent pas la signification exacte de ce mot-là. Et je pense que tu es un peu jeune pour ça, donc je préfère que tu ne suives pas. Quoi, voilà. Est-ce qu'elle réagit bien, Isabelle, Nathalie ? Elle réagit bien. C'est une bonne réaction. Mmh. Maintenant, le doigt d'honneur, vous savez d'où ça vient ? Non. Ça vient de la guerre de Cent Ans. Les Anglais étaient plus forts au tir à l'arc que les Français. Et quand les Français attrapaient un archer anglais, on lui coupait les doigts. Et donc, les Anglais, quand ils pouvaient se moquer des Français, montraient leurs doigts en disant « Celui-là, tu ne l'auras pas ». Oh, mais voilà ce qu'il faut expliquer aux enfants. Voilà. Ça, c'est... Quand on explique ça aux enfants, voilà, bon... Alors, certains disent que c'est le V de la victoire qui vient de là. Voilà, mais je pense que le doigt d'honneur aussi aurait cette origine-là. Oui, vaut mieux dire ça qu'autre chose. Voilà. Sinon, par rapport à la façon d'Isabelle, qu'a Isabelle De pas insister, de pas interdire, mais de dire qu'elle préfère qu'il y ait autre chose. Un autre mot, oui. La recherche, sa petite fille est tout à fait en âge d'utiliser un dictionnaire. Junior, et donc ne fût-ce que d'aller chercher la signification même d'un mot très cru, moi je pense au mot P-U-T-A-I-N, d'aller chercher la signification au dictionnaire, ça suffit pour que l'enfant s'arrête. Ouais. Ce qui est gai chez l'enfant, c'est tant qu'il peut provoquer. Uh-huh. Parce que, évidemment, tout ce vocabulaire est issu d'un vocabulaire qui est tabou ou blasphématoire. Et ça fait du bien à l'enfant de pouvoir le sortir. C'est plus gai de pouvoir le sortir si l'adulte réagit pas. Ouais, ou dit, écoute, tu sais ce que ça veut dire, viens, on va aller voir ensemble le dictionnaire. Voilà, dans le dictionnaire, il y a des mots. Il y a des mots qui sont plus crus que d'autres. Mais c'est important que les enfants aient une signification. Et je pense, par exemple, à ce fameux mot qui commence par P. Une fois que les enfants sont un peu plus grands, c'est de leur dire, OK, écoute, on va un peu aller chercher les synonymes de ce mot-là et tu vas voir. Ouais, On essaye de pas utiliser ce vocabulaire-là. Ouais, on dit ça à partir de quel âge, alors? Quand l'enfant sait utiliser le dictionnaire, donc oui. Quand l'enfant sait utiliser le dictionnaire, bon, je dirais 8 ans, ouais, on peut aller voir la définition au dictionnaire. Maintenant, je pense que dans les synonymes, c'est un grade au-dessus. C'est plus quand on arrive vers 10-12 ans, quand ça redevient un peu le leitmotiv, là, que ça apparaît vraiment. C'est de dire, écoute, maintenant tu vas me chercher 10 synonymes et je ne veux plus l'entendre systématiquement. Voilà, tu changes. 10 synonymes. Oui, il ne faut pas que ce soit une punition. Hein. Non, non. Il ne faut pas que ce soit une punition. Voilà, il ne faut pas que ce soit une punition, mais on peut. Alors, moi, je conseille toujours aux parents d'accompagner leurs enfants parce qu'il y a tellement de choses sur Internet qu'il ne faut pas qu'ils mettent le mot dans un moteur de recherche. Ah ben ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. J'ai raison de le dire. Voilà. Mais un bon dictionnaire des synonymes, une encyclopédie, il y a des tas de choses qui sont en ligne, donc ça vaut le coup. Parfait. Merci Isabelle pour votre intervention. 070 23 33 23. SMS. 50 centimes par message envoyé au 30 63. Samedi 8 octobre, Abraham de Bettencourt, conférencier présente « Vivez vos rêves ». Comment intégrer les principes de réussite? Quels sont les outils pour atteindre vos objectifs? Comment vivre vos rêves et libérer votre potentiel pour enfin oser? Rendez-vous ce samedi 8 octobre à 20h au Centre culturel Ducle. Info sur ccu.be. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Électro dépôt. Électroménager, TV, audio, multimédia, le moins cher toute l'année. Le choix des marques, du stock et l'assurance de produits de qualité garantie 2 ans minimum. Électro dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Mais comment font-ils? Nos sections internes écologiques et nos camions toujours remplis entraînent des économies. Découvrez comment vous en profitez sur electrodepot.be et à Anderlecht, proche Shopping Cora, métro Eddy Merckx. Électro dépôt. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Vivacité présente. Bonjour monsieur, vous pouvez me dire dans quel rayon je pourrais trouver du respect pour les producteurs du Sud? D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Pour tout savoir sur les tendances de la mode pour cet hiver, rendez-vous chez Poincaré. Jusqu'au dimanche 9 octobre, c'est la semaine de la mode chez Poincaré. Profitez de moins 15% sur toute la collection. Info et horaires, poincaré.eu. C'est moi, Hip. Je veux des petits prix. Je veux des promotions de folie. Je veux des offres de génie dans tous les rayons. Alors rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. En ce moment, achetez 2 jeans pour seulement... BAM 12 euros. On n'a jamais vu ça. Dépêchez-vous, car cette offre se termine déjà demain. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Tu as de belles orbites, tu sais, Jennifer. Et tes os malaires. Tes os pariétaux me font rêver. Non, Brian. Ne confondez plus vos séries romantiques et vos documentaires scientifiques. Nouveau Ciné-Télé-Revue. Nouvelle grille, plus simple, plus claire. Ciné-Télé-Revue. Fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun. My trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah! No, we will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let him go! Bismillah! We will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Queen! Souvenir avec Bohemian Rhapsody. Quelle belle chanson qu'on vous diffuse là. On parle des gros mots aujourd'hui, les gros mots et leur utilité en quelque sorte, les gros mots du bon côté, les gros mots, comment faire pour faire face à ces gros mots quand c'est prononcé par des enfants, voilà, quand c'est prononcé par des adultes aussi, hein. Mais bon, on s'en tient à ce que les enfants prononcent. Les adultes se gèrent. Oui, les adultes s'autogèrent, voilà. J'aime bien ce message. Sylvie, je ne désire pas passer à l'antenne, votre émission me fait sourire, pourquoi? Parce que mes enfants ont un nom de famille qui est un gros mot. Vous imaginez certaines situations, on gère comme on peut, il leur faut du courage et une bonne dose d'humour. On ne peut pas tout avoir dans la vie, merci pour vos émissions. On ne peut pas tout avoir, peut-être que si, mais c'est vrai que ça ne doit pas être facile à gérer. Mais non. Hein, mais non. Un nom de famille qui est un gros mot. Ou une insulte. Ou, enfin, ou une insulte, oui, ouais, voilà. Ça ne doit pas être facile, ça c'est sûr. Mais non, donc, non. Ils ont peut-être, à mon avis, développé, en effet, cette tranche d'humour supplémentaire. Moi, on est obligé à un moment donné. Oui, je pense. Oui. Moi, j'avais un professeur de maths qui s'appelait Monsieur Cocu. C'était pas facile pour lui tous les jours, mais il avait développé un espèce d'imperméable comme mais ça. Oui, on est obligé, quoi. Voilà. Bon, on aura Raymond dans quelques instants. Raymond, il nous dit « J'autorise mes enfants à jurer uniquement dans la voiture ». Oui, mais Raymond, il a aussi une façon très comique de changer les mots. On verra ce qu'il en est avec Raymond, juste après ceci. Et si ce week-end, on prenait un bon petit déjeuner? Oh, bonne idée! Oxfam Magasin du Monde organise plus de 200 petits déjeuners gourmands et équitables. Ah bon, quand ça? Ce week-end, le 8 et 9 octobre. C'est l'occasion de déguster d'excellents produits d'ici et d'ailleurs. Et comment faire pour trouver le petit déjeuner le plus proche de chez moi? Tu vas sur petitdejeuneroxfam.be. Super! À ce week-end! Avec Oxfam, les alternatives existent. Cultivons-les! Mais enfin, pourquoi tu te compliques la vie? Pour les prix, le choix, la livraison express, commande sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Chute de cheveux? Pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat? Action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. La DH présente en exclusivité la collection La Passion du Rallye. Collectionnez de magnifiques reproductions exclusives de voitures de rallye. Des plus récentes aux modèles de légende. À l'échelle 1/43e. Le numéro 1, la Volkswagen Polo, championne du monde 2014 et son fascicule, actuellement en vente en librairie pour 2,99€ seulement. Une exclusivité DH. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je vous attendais, voilà, entrez. Oh non, je n'ai pas le temps madame. Comment? Non, j'ai encore beaucoup de maisons à faire, alors je vous propose le calendrier vous des pompiers. Vous voulez pas visiter la maison? Non madame, ils sont bien hein. Un peu de sérieux. Pour vendre ou louer efficacement votre bien par vous-même ou via un professionnel, ImmoWeb est la solution. ImmoWeb, le site immobilier préféré des Belges. Vivacité présente. Le respect, c'est remettre les homards en perspective. Je pense que c'est du n'importe quoi ce que vous venez de dire. Pour les aider à se faire une idée sur la citoyenneté. Place aux enfants. Samedi 15 octobre en Wallonie et à Bruxelles. Info placeauxenfants.be. Une organisation des provinces wallonnes et de la Commission communautaire française. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. En Belgique, on peut être fier. Fier de nos bières. Fier de notre bon chocolat. Fier de nos frites. Andalouse ou samouraï? Mais surtout, fier de notre électricité verte produite en Belgique. Optez pour le 100% belge, 100% vert avec le tarif fixe Big Green de Luminus. Et découvrez comment, ensemble, nous allons rendre la Belgique fière d'être plus verte sur luminus.be. Luminus, ensemble, faisons la différence. La vie du bon côté sur Vivacité. Nathalie Van Krynes, elle est coach scolaire. On parle des gros mots aujourd'hui. Dominique nous dit « Lorsque nos filles disaient un gros mot, je leur demandais de l'épeler. Très vite, elles ont cessé d'en dire. » Ça les fatiguait, mon ami. Oui. Et tu écris ça comment, s'il te plaît? Voilà, c'est une bonne réaction. Bon ben voilà, par exemple. Raymond, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Nathalie. Bonjour Raymond. Vous autorisez vos enfants à jurer uniquement dans la voiture? Oui, ça ne vient pas de moi. C'est la marraine de ma fille qui m'a appris ça. Ouais. Il y a une vingtaine d'années, quand sa fille était petite. Et sa fille s'est offusquée que sa mère dise des gros mots en voiture, donc comme vous en parliez tout à l'heure. Et alors, la brave marraine en question, elle s'est fait coincer à son propre jeu. Donc elle dit, écoute, on ne peut jurer que dans la voiture et uniquement là. Donc espace clos. Et donc là, on se libère, on se lâche. Exact. Ça fait du bien. Voilà. Et alors, ils ont fait la différence entre la maison et la voiture. Et donc parfois, ça amène à des situations assez cocasses, assez rigolotes. Parce que ma foi, ce sont jamais vraiment des très gros mots avec des G majuscules. Mais ça leur permet de se défouler comme un gosse de jouer au football. Et tout le monde en rit, en fait. C'est ça. Et tout le monde en rit, et ça reste bien rigolo. Et une fois sorti de la voiture, c'est terminé. C'est le bon plan, hein. C'est de dire à l'enfant, ah non, ça on ne dit pas en public, tu peux dire ça... Bon, dans la voiture, quand il n'y a personne. Dans ton bain. Ou dans ta chambre, quand tu joues avec tes jeux, mais quand tu es tout seul. Et donc, Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Ok, on ne dit pas ça, mais pourquoi? On lui explique que c'est un mot qui dit des choses qui ne sont pas très gentilles. Quand l'enfant est petit, on peut lui dire que c'est pas très gentil de dire ce mot, c'est mal vu, ça paraît vulgaire, parce que ça parle de choses, de grandes personnes. Ouais, c'est difficile de dire. C'est dire, oui, c'est pas facile, des mots vulgaires, un mot... C'est pas beau, c'est pas un mot à dire. C'est pas un mot qui est... T'as utilisé trop souvent. Oui. Moi, j'aime pas à dire, parce que ils ont tous leur utilité à un moment. Et donc, l'enfant va dire, oui, mais Mathias, Ethan, tout ça, le dit à l'école. Et Mathias donc, pourquoi... le dit à l'école, Ethan le dit à l'école, mais moi, à la maison, je veux qu'il y ait des espaces où on est ensemble et on ne dit pas ce genre de gros mots. Et alors, est-ce qu'on peut continuer? On dit, à l'école, je voudrais que tu ne le dises pas non plus. Oui, mais là, on n'est pas là pour contrôler. Mais non. Donc, et puis, si les copains le disent... Et pourquoi est-ce que lui, il ne pourrait pas? Il va se faire un peu éjecter de la bande. Il va se faire un peu éjecter de la bande, donc essayons de limiter. Ouais. Mais de dire, écoute, à l'école, en tout cas, ça ne se dit pas vis-à-vis des adultes. Si vous le dites entre vous à la récré, c'est parfois comme vous voulez, mais... Voilà. Il faut aussi savoir qu'au niveau de l'adolescence, le gros mot va devenir un mot de ralliement. On va se dire « et gros » par exemple, ça c'est comme ça, ils font ça comme ça, et si vous voulez, l'injure devient le signe de ralliement d'une bande. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je vois le message de Katia, elle dit « je suis choquée du vocabulaire de ma fille de 12 ans sur les réseaux sociaux ». Eh bien Katia, justement, on vous a appelé pour vous demander de témoigner la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que je serai en direct du Salon de l'éducation à Charleroi, et qu'on va faire une émission un peu sur les réseaux sociaux, quoi. Les réseaux sociaux et nos jeunes. Oui, là c'est peut-être intéressant de quand même parler avec sa fille en disant, écoute, il reste des traces sur les réseaux sociaux, si ce sont des insultes par exemple vis-à-vis de quelqu'un, ça peut mener à du harcèlement, ça peut entraîner du harcèlement, ça peut entraîner des conséquences graves. Oui, bien sûr. Et donc c'est écrit, ça ne disparaîtra pas. Ah oui, ce qui est écrit, ça c'est sûr, c'est encore plus grave. Donc là, je pense que c'est important de mettre le haut là au langage ordurier de... Mais je vous dis, on le fera plus encore la semaine prochaine avec les réseaux sociaux et les adolescents à ce moment-là, avec l'émission en direct du Salon de l'éducation de Charleroi. Bon, Céline Dion, encore un soir, et puis ensuite, est-ce qu'après Céline Dion, on peut dire des gros mots? Si, parce qu'on fait une émission, on fait une émission là-dessus. Donc voilà, les gros mots et les enfants, comment ça se passe à la maison? Est-ce qu'il y a eu des périodes? Est-ce qu'il y a l'avant 6 ans? Est-ce que vous pensez que votre enfant teste la réaction de l'entourage? Comment réagissez-vous à ce mot? Est-ce que plus vous réagissez, plus votre enfant en dit? Nous envisageons donc la fonction des gros mots, âge par âge, avec Nathalie Van Krainest, notre invitée. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. Et ces visages d'enfant, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report. Même s'il est tard, j'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. De grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir. Encore une heure, un peu de nous, un rien de tout. Céline Dion avec Encore un soir. On parle des gros mots, l'utilisation des gros mots par nos enfants. L'utilité des gros mots, peut-être dans leur bouche, des fouloirs peut-être, avec les gros mots, ne pensez-vous pas que votre enfant tente de se rendre intéressant? Les gros mots font office comme de signes de reconnaissance, d'appartenance. Hein. Vous l'avez dit aussi, Nathalie, ça c'est un peu plus grand. C'est chez les plus grands, oui. Ça c'est pour les plus grands. La fonction des gros mots après 10 ans, alors on va dire, quand les enfants imitent les copains, quand ils s'identifient au groupe par le vocabulaire. On fait aussi la différence entre gros mots, insultes et injures, et ça il faut vraiment le faire avec eux. Ça, suite, il faut vraiment le faire avec eux. Il y a aussi une autre fonction des gros mots qu'on oublie, c'est celle de pouvoir évacuer la colère, la rancune d'un enfant. Ouais. Et là, je pense que c'est intéressant d'entendre quand ces gros mots sont dits après une frustration, après une difficulté. Je vais jamais y arriver, ou ouais, des choses comme ça. Ouais. Parce que là, on peut apprendre du vocabulaire qui est plus émotionnel à l'enfant. Mmh. Et lui expliquer que ces mots-là vont empêcher l'adulte de s'occuper de lui et de l'aider. Mmh. Et donc, de mettre un vocabulaire plus émotionnel, ouais, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette colère? Quelle est la frustration, ouais, qu'il y a derrière? Quelle est la difficulté? Ouais. Donc on peut carrément dire à l'enfant, ça te fait du bien de dire ça, mon chéri? Ça, oui, te fait du bien? Mais écoute, maman préfère que... Voilà. C'est bien ça. Tu nous dises que tu es en colère, que tu arrives, que c'est plus difficile, que tu es... Que tu es fâché, oui, que tu es triste. Fâchée, tu dis ça. Voilà. Quelque part, on peut dire c'est normal, je comprends que tu dis, oui, ça, mais. Oui, mais. Oui, mais. Voilà. Mm. on peut utiliser aussi le mais en disant, ben, il y a d'autres mots, on peut l'expliquer autrement. Et on va le voir avec des enfants quand ils grandissent et qu'ils ont peu de vocabulaire au niveau émotionnel, oui. Ils vont beaucoup utiliser des gros mots. Donc ça les empêche de dire autre chose. Donc c'est ça, voilà. Donc, encore une fois, c'est ça. Il faut vraiment. C'est comme un signal d'alarme, quoi. Cette situation où l'enfant dit des gros mots dans une situation de difficulté, que ce soit de la colère, de la tristesse, ou peu importe. Là, c'est un signal d'alarme qu'on n'a pas le vocabulaire adéquat pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on vit. D'accord. Ok. Nathalie Van Krenes, coach scolaire, vous donnez des conférences, vous faites des consultations bien sûr à Braine-l'Alleud. Je mettrai votre site internet sur la page Facebook et vous faites aussi des conférences, notamment sur le harcèlement scolaire. On aura l'occasion d'y revenir. Dans quelques instants, on parle de la minute des gros mots. Ah, chez François, c'est comme ça. Lorsque ses enfants étaient petits, à mon avis, ils sont plus grands maintenant, elle avait établi la minute des gros mots. Elle vient de nous dire, c'est quoi la règle du jeu de la minute des gros mots? À tout de suite, Françoise. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Venez fêter les 30 ans du Coyote Superbiker de Metz. Comme chaque année, la plus grande compétition de supermoto au monde réunit plus de 400 pilotes au départ et de nombreuses animations. Le 30e Coyote Superbiker sur le légendaire circuit Jules Tachny à Metz, les 7, 8 et 9 octobre. Prévente superbiker.com. Gratuit pour les moins de 12 ans. Avec la 2 et Vivacité. Shopping. L'art contemporain s'installe au Walué Shopping pour la 3e édition de l'Art Fair, une expo trendy et gratuite. Des dizaines d'artistes de toutes disciplines exposent leurs œuvres hyper abordables. L'art contemporain sous toutes ses formes, c'est à l'Art Fair du Walué Shopping du 3 au 8 octobre. Shopping. Walué Shopping. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Cap 48, le défi des 100 km. C8 et 9 octobre, Julie Morel, l'équipe info et les 5 radios de la RTBF emprunteront les sentiers de grande randonnée pour une seconde édition du défi des 100 km. Parrainez-les pour récolter un maximum d'argent au profit de l'ASBL Les Héliotropes. Plus d'infos et vos dons sur cap48.be. C8 et 9 octobre, Vivacité vous envoie à deux. En city trip à Florence, sur les traces d'Inferno. Humanité, le mal, et Inferno, le remède. Découvrez en avant-première mondiale le nouveau film de Ron Howard avec Tom Hanks, d'après le best-seller de Dan Brown. Florence, Istanbul, Venise. Regardez, c'est un indice. Tentez de remporter vos places maintenant. Envoyez Inferno par SMS au 6003 et répondez à la question que vous recevrez. 75 centimes par message envoyé reçu, maximum 2,25€ par participation. Ceci est un message pour les professionnels du secteur Horeca. Vous voulez tout connaître des nouvelles tendances en food, fine food, snack, boisson, cuisine, service et découvrir des solutions de management et e-management? Visitez les 2, 3 et 4 octobre I Love Horeca, le salon professionnel Horeca à Tours et Taxi. I Love Horeca, c'est aussi le lundi 3 au soir. Une nocturne champagne sur invitation de l'un des 150 exposants que vous retrouverez sur notre site. I Love Horeca, c'est les 2, 3 et 4 octobre à Tours et Taxi. Plus d'infos à iloveoreca.be. 13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Les gros mots. Céline nous dit, votre sujet me fait déjà sourire avant qu'il ne commence vraiment. Elle l'a fait à 13h33 pourtant. Il y a quelques semaines, nous avons eu un mariage dans la famille. Nous étions tous les petits-enfants à la même table, tout âge confondu. Pendant nos discussions, un de mes cousins a raconté une histoire où il a remplacé un gros mot par matière fécale. De jolis mots, mais qu'une fois entendus, nous a valu la même tête que si un gros mot était sorti. Bah oui, c'est trop drôle. Oui. Mais si on ne peut pas dire ça, qu'est-ce qu'on dit? Ça dit bien ce que ça veut dire. Matière fécale, ça fait scientifique comme ça. Mais oui, mais ça fait médecine. Ça dit bien ce que ça veut dire, Françoise. Dans oui, la minute des gros mots, on ne dit pas ça alors. Matière fécale, on ne dit pas ça. Non. Mais non. Le titre de l'émission m'a fait sourire parce que ça m'a rappelé des souvenirs. C'est marrant. Ma fille aînée, qui avait 3 ans et demi, est revenue un jour de l'école. On a préparé le souper, on soupait. Et à un moment donné, mon mari lui dit « avale un peu ». Et alors, elle se retourne direct, elle lui dit « ta gueule, connard ». Voilà, le mot. Alors là, on n'y dit rien. 3 ans et demi. Oui, oui. Et puis après, ben, elle l'avait entendu. Ben, évidemment, elle l'a entendu. Oui. Et puis après, quelques temps, j'ai réfléchi. Elle me dit, c'est marrant de faire la minute des gros mots pour voir où ils en sont dans les gros mots, s'il y en a des nouveaux. Ah ben oui, s'il y en a trois, donc, c'est oui. Après leur repas, en général, quand on a bien mangé, ils disent, on fait la minute des gros mots. J'avais proposé une fois. J'en disais aussi, mais bon, je mesurais. Et alors, ben voilà, ils disaient des gros mots, puis la minute, ah, ils stoppent, la minute est passée, c'est fini, on ne peut plus. Donc voilà, et ça a toujours très bien marché. Des fois, je le proposais, des fois, ils demandaient eux-mêmes, et voilà. Mais je n'ai, mes enfants n'ont jamais dit de gros mots, je veux dire, en société, quand on était avec eux. Alors, justement, je ne sais pas, comme tous les autres, mais c'était marrant, ils trouvaient ça très marrant, et ça marchait très bien, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie? Mais moi, j'aime bien la minute des gros mots. Il faut pouvoir autoriser les enfants à dire des gros mots. Bah, là, c'est dans un espace-temps limité. Oui. Chez Raymond, c'était l'espace voiture. L'espace clos. C'est important qu'on puisse focaliser sur la permission de les dire à un moment. On ne peut pas être sage tout le temps. Non, c'est ça. Il faut se lâcher. Il faut se lâcher de temps en temps. Ouais. Et donc, si on n'autorise pas l'enfant à se lâcher à un moment ou à un autre, il va se lâcher dans des circonstances qui ne vont pas nous plaire. Donc, il faut canaliser l'enfant vers des circonstances où il peut lâcher des gros mots. Voilà. Vous êtes venu avec plein de façons d'agir qui ont fait leur preuve. Je vois par exemple que Caroline Messinger. Oui, elle confisque les gros mots. C'est qui ça, Caroline Messinger? Caroline Messinger est pédagogue, je pense. D'accord. Enfin, elle écrit des bouquins. Et son mari et elle ont écrit pas mal de bouquins. Et donc, elle proposait de confisquer les gros mots, mais vraiment avec le geste. Donc quand on sort un gros mot... c'est bon là maintenant, tu l'as dit, c'est bon, je te le confisque, c'est un gros mot, on le met de côté, on le met à la poubelle. Si on jetait à la poubelle. Voilà, et d'y mettre un maximum de théâtralité. Voilà. L'enfant provoque l'adulte, il va voir ce que... Les mots ont du pouvoir, ouais. Il faut le savoir. Et quand l'enfant dit un gros mot à mi-voix, à sa sœur, vous voyez ce que je veux dire? Là, on est plus dans l'insulte, déjà. Oui, alors c'est pas un gros mot. Oui, c'est une insulte. On n'est pas dans le partage de gros mots. Tiens, dis, je le connais, celui-là. Ouais. Est-ce que toi, tu le connais non, aussi? Non, vous avez raison. Voilà. Oui, ben oui, voilà, pour moi, l'insulte, ça marque de la colère et de la rancune, et... Donc, il faut replacer les limites. Il faut réagir aussi. Oui, il faut réagir. Ça demande des excuses. Bon, ben on verra après le flash de 14h, justement, comment réagir aussi aux insultes. Et aux gros mots, les gros mots. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous souhaitez intervenir juste après le flash, donc dans 2 minutes. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, infos et tickets sur europeanopen.be. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Ce mois-ci, le magazine Gaël découvre une Nadja Labib inattendue. Derrière l'ex-envoyée spéciale en Afghanistan et la présentatrice du JT de la RTBF, bouillonne une femme intuitive, ouverte, qui adore l'imprévu. Nadja est toujours où on ne l'attend pas. À découvrir ce mois-ci dans Gaël. Gaël. Vous avez tout pour vous. Plus de data en poche, c'est toujours utile. Pour ceci, par exemple... Allô? Oui, Thomas, c'est maman. Tout va bien à la maison? Oui, écoute, j'étudie mais à fond, là. C'est curieux. Je viens de voir qu'il y a un de tes potes qui a tagué qu'il étudie à fond dans notre jacuzzi. Oh non. Tu comprendras que je n'ai pas liké. Orange lance de nouveaux abonnements avec encore plus de volume de surf. À vous de voir ce que vous en faites. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Profitez maintenant de l'Internet ultra rapide et de la télé digitale à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Shoe Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Avez-vous déjà songé à investir dans une start-up? Peut-être pensez-vous que c'est un privilège réservé aux business angels. Alors, vous ne connaissez pas My Micro Invest, la plateforme qui vous permet de financer des start-up belges visionnaires à partir de 100€ seulement. Vous voulez investir vraiment malin? Surfez sur mymicroinvest.com et dites oui aux entreprises de demain. Excellent. après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. Le Flash, présenté par Simon Bourgeois. Bonjour. La banque ING supprime 3150 emplois en Belgique, dont une bonne moitié de licenciements secs. Un nouveau drame social. Plusieurs agences restent fermées aujourd'hui. Impossible pour le personnel de se remettre au travail après cette annonce. Une décision scandaleuse, disent les syndicats, sur le fond et sur la forme. Ils annoncent d'ailleurs une grève dans toute l'entreprise vendredi prochain. Une décision extrêmement difficile, mais nécessaire, répond la direction, pour assurer l'avenir de la banque. Le patron d'ING explique que le contexte est difficile, taux d'intérêt très bas, de plus en plus d'opérations sur les ordinateurs et les smartphones et donc moins de clients en agence. La concurrence aussi, pour lui, il fallait réagir. Charles Michel a appelé directement ce matin le patron d'ING. Il demande que tout soit fait pour réduire le nombre de licenciements secs. Le Premier ministre demande aussi que la banque assume et accompagne les employés pour les aider à trouver un nouveau travail. Charles Michel était au Luxembourg ce matin. Il rentre en Belgique pour rencontrer les syndicats. Réunion prévue dans 2 heures. Au procès de Bernard Westphal, plusieurs témoignages de proches. Aujourd'hui, et un moment fort ce matin, projection de la vidéo de l'audition du fils de Véronique Piroton le lendemain du drame. Il est interrogé par la police. Il y parle notamment des disputes fréquentes entre sa mère et Bernard Westphal. C'est aujourd'hui le début de la troisième et dernière semaine du procès. On devrait connaître le verdict judiciaire d'ici vendredi. Un gros problème technique dans les administrations communales. Le système des cartes d'identité est hors service, impossible d'en créer ou d'en renouveler. Le prix Nobel de médecine attribué à un biologiste japonais, Yoshinori Osimi, récompensé pour ses travaux sur l'autophagie, le fait pour les cellules du corps de se manger elles-mêmes, des recherches pour comprendre les réactions de l'organisme face à la faim ou aux maladies comme le cancer. C'était le premier prix aujourd'hui de ce qu'on appelle la semaine des Nobel. Les autres, physique, chimie et de la paix, seront annoncés au compte-gouttes, un par jour. On termine avec le sport. Retour à l'entraînement pour les Diables Rouges cet après-midi. Ils commencent la préparation de leur match contre la Bosnie et Gibraltar vendredi et lundi prochain, tous les deux pour les qualifications à la Coupe du Monde 2018. Entraînement ouvert au public cet après-midi, c'est à 16h à Tubize. Un petit point météo, timide retour du soleil cet après-midi, température autour de 15 degrés et temps sec presque partout. Ce soir et cette nuit, il fera froid avec des risques de brouillard. RTBF Mobile Info avec Pierre Collard-Bovy et c'est calme sur la route. Oui, c'est calme, Simon, pas de problème. Dans le tunnel RER ce centre, un petit ralentissement en direction du centre, on parle bien sûr de Bruxelles. L'objet encombrant sur la 602 long Saint-Chêné à hauteur du Val-Benoît. La deuxième bande est entravée en direction de Chêné. C'est un gros panneau de bois. Et puis à l'instant, on me signale l'accident sur le ring de Bruxelles en extérieur à hauteur de Huillart. La bande droite est neutralisée en direction de Zaventem. Et au point de vue temps de parcours, sur l'extérieur au titre Carrefour Léonard, vous mettez 7 minutes de temps de parcours supplémentaire. Autrement dit, c'est pas encore grand chose, mais il n'est que 14h. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 14h03, on continue sur Vivacité, la vie du bon côté. Sylvie Noré, on parle gros mots aujourd'hui. On parle gros mots, en effet. On les met du bon côté, voir un petit peu leur utilité, comment réagir avec nos enfants. L'info revient dans moins d'une heure, à 15h. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Les gros mots à l'honneur. Les gros mots à l'honneur parce que tout simplement, Nathalie Van Krynes, ils ont leur utilité. Vous serez en conférence, on ne donne pas des conférences sur les gros mots, non? Non, pas de conférence sur les gros mots. Mais bon, c'est extrêmement important, bien sûr. Vous donnerez des conférences sur le harcèlement scolaire. Vous donnerez aussi des conférences sur les parents pervers narcissiques. Voilà, j'allais dire les enfants. Et les conséquences sur les enfants. Oui, et ça, ce sera à Bruxelles le 26 octobre. D'accord. Et la conférence sur le harcèlement scolaire, c'est à Jupy le 17 octobre. Oui. Voilà. Et vous consultez à Braine-l'Alleud. Et le week-end des 28 et 29 octobre, vous donnerez aussi des conférences sur Liège et des ateliers. Voilà, on fait grouper sur Liège. Bien. Eh bien, restez à Liège, Nathalie, parce que ce jeudi 6 octobre, nous serons à Liège. Après avoir donc organisé cette première journée au profit de Cap 48, journée de bien-être, hein. avec des ateliers tout au long de la journée à Mons. Nous serons à Liège le jeudi 6 octobre à partir de 12h30. On vous propose d'assister à l'émission en direct. On vous propose d'aller assister aussi à l'exposition 21 rue de la Boétie. Rue la Boétie, c'est au musée de la Bovrie, une exposition d'art et de civilisation en collaboration avec Anne Sinclair. Ensuite, vous revenez à Médiacité. Vous aurez droit à un catering et ensuite une conférence avec nos 4 conférenciers, donc, qui ont été des invités réguliers de mes émissions et qui le seront encore. Et donc, qui dit catering, qui dit buffet, bien entendu, et qui dit buffet, dit des choses grâce à la PACW, qu'il est vraiment important de connaître. Ce sont des producteurs locaux qui se mettent au service de Cap 48 pour la bonne cause, dont vous, Pierre Malthus, bonjour. Oui, bonjour. De la boulangerie Hardy. Nous sommes à Hermal-sous-Argenteau. Voilà, en effet. Pierre, vous livrerez donc non seulement le pain qui accompagnera le buffet, pain, variété de pain et baguette, mais aussi la gosette, des gosettes artisanales aux fruits. Qu'est-ce qui fera votre particularité? Qu'est-ce qui fera que on ne pourra pas s'en passer de votre pain et votre gosette, Pierre? Ben déjà, tout est fait de manière artisanale. Ouais. On travaille des produits de qualité. Et alors, on est toujours sur des recettes anciennes qui datent toujours de mes grands-parents. Ah, c'est ça. Puisque la boulangerie est sur sa 4e génération. Donc ici, on travaille vraiment de manière artisanale. Super, avec plein de récompenses, là, je suis sur votre site internet. Donc maison en effet fondée en 32, en 96, vous aviez déjà, c'est vous qui oui, avez oui, déjà c'est ça, c'est ça. Un premier prix. Voilà, j'ai été meilleur jeune pâtissier de Belgique. 4e place mondiale aussi. Voilà, c'est ça. Et puis alors, ici, on s'est spécialisé dans le travail, le façonnage du massepain, où vous allez retrouver pas mal de nos sujets dans pas mal de boutiques, je vais dire, dans la région, pour satisfaire les grands comme les petits, ceux qui apprécient le massepain, quoi. Vous êtes boulanger-pâtissier, alors, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je suis boulanger-pâtissier-confiseur, puisqu'on travaille le chocolat et le massepain, et les dérivés, je vais dire, de toute cette gamme-là. Et les nougatines? Nougatines, on fait aussi, oui. Ça, on fait aussi, ça fait partie de la pâtisserie. Hermal sous Argenteau, vous êtes. Vous serez des nôtres jeudi? Il est possible, oui, qu'en allant livrer la marchandise, je reste sur place, en effet. Eh ben, génial. Donc, voilà. Génial. Ben super, merci. Merci beaucoup, Pierre Malthus. Merci à la boulangerie Hardy. Merci à la PACW, donc vraiment, qui est notre partenaire au niveau des produits de bouche que l'on offre à nos auditeurs qui, pour le prix de 48 euros, viendront nous rejoindre ce jeudi, s'ils souhaitent, toute la journée, avec l'exposition qui est programmée au musée de la Bovrie. S'ils ne souhaitent venir que le soir, ce sera donc, on vous demande un prix de 25 euros pour assister à ce buffet et à la conférence. Pourquoi? Parce que tout va au profit de Cap 48 et qu'on veut vraiment faire grimper le compteur. Voilà, on a vraiment, vraiment envie de vous faire participer pour faire grimper le compteur avec quatre invités, quatre coachs du développement personnel qui seront des nôtres à Liège. Vous serez donc ce jeudi. Envoyez-moi un email, laviedubonkote@rtbf.be. Allez sur notre site internet, envoyez-moi un SMS si vous souhaitez vous inscrire et venez vraiment chercher des renseignements. Voilà, encore une fois, pour ce jeudi à Liège, le jeudi 6 octobre. Bon, les gros mots, on y revient dans quelques instants, bien sûr. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez intervenir, comme le font déjà des auditeurs, j'aime bien Nicole, on essaiera de joindre Nicole. Elle dit un peu d'humour, Sylvie. Mon petit-fils, âgé à l'époque de 4 ou 5 ans, a rétorqué à son papa qui le grondait pour les gros mots qu'il répétait en rentrant de l'école. Les gros mots, ce n'est pas comme la cigarette. J'arrête quand je veux. Ça alors, 4 ou 5 ans, mais quelle répartie, Nicole? Et comment a réagi votre fils? Peut-être, donc c'est son papa. Venez nous le dire. Vous nous parlerez de l'utilité des gros mots dans quelques instants, encore une fois, à travers les âges. On en parle pendant 2 heures dans cette émission, en ce lundi 3 octobre. Voici Christine and the Queens. Le saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît. Les mains sont livides, vides, vides. Mains sont livides, vides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. À mes solitudes immenses, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Patience comme certitude, collier à trois fils, fils, fils, et à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. D'ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Et cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station. Ooh. And if you say just one. Que l'orage s'annonce. Et c'est vrai qu'il y a parfois des zones orageuses hein, dans les maisons quand on entend des gros mots. Ça peut nous mettre en effet la pression, ça peut nous mettre en colère, alors que l'enfant, encore une fois, il n'a pas voulu mettre en colère. C'est pas ça qu'il a voulu. Non, il a voulu attirer l'attention. Juste attirer l'attention, ouais. Juste vérifier le pouvoir de ce nouveau mot dont il ne connaît pas bien la signification, qu'il a entendu. Oui, tester. Ça a déjà l'air un peu sulfureux comme mot, parce qu'on le dit comme ça, vite fait. Dans les cours de récré. Il faut tester à la maison. Ouais, ouais. Il faut tester à la maison. Ouais. On parlera des injures dans quelques instants, ça aussi. Faire peut-être la différence entre un comportement injurieux et une injure. Quand on dit tu n'es qu'un. Non, c'est ton comportement qui n'est pas. Puis c'est jamais qu'un jugement de la personne sur déjà. Une autre personne. Donc déjà. C'est déjà. Déjà. Peu acceptable. Oui, mais c'est bien de faire la part des choses avec les enfants. On aura Marie-Odile dans quelques instants. Elle va nous raconter une anecdote avec sa fille. Une anecdote rigolote, dit-elle. 070 23 33 23 et SMS 3063. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Stellemans. OLED, LED, électro, IFI, PC, GSM, tablette, boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Carglass répare, Carglass remplace. Une vitre latérale brisée, on a envie de la faire remplacer tout de suite. Chez nous, chez Carglass, c'est possible grâce à notre grand stock de vitres. Nous vous aidons le jour même. Appelez-nous gratuitement ou prenez rendez-vous sur carglass.be ou via notre application smartphone. Dis Sophie, mais qu'est-ce qui s'est passé? 9,5 sur 10? Faut te reprendre, hein? Vous êtes très exigeant? Alors les voitures d'occasion BMW Premium Selection vont vous ravir, car elles sont sélectionnées avec soin et en parfait état. En plus, jusqu'au 31 octobre, vous recevez 4 ans de garantie. Plus d'infos sur bmw.be. Vivacité La Une présente le Vaux Rire, le Festival International du Rire de Liège, du 20 au 23 octobre. 4 jours, 14 salles, avec Valérie Lemercier, le Whoop, Benabar, Pascal Légitimus, Baptiste Le Caplin, Arnaud de Samer et Renaud Rutten, Claudia Tagbo, les Frères Taloche et beaucoup d'autres. Infos et réservations, vauxrire.be. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Grandirenconfiance.be, c'est vous ça? C'est moi. C'est vous. Voilà, c'est votre site internet. Je le mets sur la page Facebook parce que vous faites des consultations. À Braine-l'Alleud, vous faites des conférences aussi sur le harcèlement scolaire notamment et sur les parents manipulateurs pervers narcissiques avec Julie Arcoulin. Bonjour Marie-Odile, bienvenue. Oui, bonjour. Je sais que vous êtes entre deux consultations, Marie-Odile. Donc. Oui, je suis kiné, je suis entre deux patients, mais ça va, je suis disponible là. Super, on nous écoute dans la salle d'attente? Non, je suis à domicile, donc je suis dans ma voiture, okay. En face de chez un patient. Oh bah oui, il attendra. Hein. Bah, un petit peu. Faites une pause, merci en tout cas de nous écouter. Marie-Odile, donc c'est une anecdote comique à propos d'un mot pas comique. Ben, oui, je trouvais ça assez comique. Donc ma fille qui avait à l'époque, 6 ans et demi, 7 ans plus ou moins, donc on était dans la voiture et elle me dit « Maman, tu sais, à l'école, il y en a beaucoup qui disent le mot « putain ». Ouais. Hein, voilà, je l'ai dit. Bah, c'est pas tant pis. Et donc, elle me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle me dit sérieusement, je la vois, tu me dis vraiment la vraie vérité, maman. Hein? Bon, alors, je commence dans mon explication. Je lui dis, ben, tu sais, Léa, c'est un mot qui, maintenant, on dit ça très souvent quand on est un peu fâché ou quand quelque chose ne va pas. Mais à la base, alors je commence à expliquer, des femmes qu'on appelait des prostituées, des péripatéticiennes. Et je me dis, mais dans qu'est-ce que tu te lances? Et donc, je continue quand même. Oui. Ces âmes, elles sont payées, donc les hommes les payent pour... Et là, je me dis, oh non, non, non, comment je vais m'en sortir? Donc, je dis, elles sont payées pour faire un câlin. Et je vois ma fille qui me regarde, un air perplexe, et qui dit, berk, un câlin? Ah, j'espère quand même qu'elles ne doivent pas les embrasser sur la bouche. Hein. Donc, je me dis, ouf, ça va, je m'en suis bien sortie quand même. Mais je me rends compte qu'elle a encore sa petite innocence, donc ça m'a rassurée aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Nathalie? Parfait. Mmh. Parfait, voilà. J'ai bien réagi, ça va. Oui, oui. Bah, parfois, ils savent. Hein. Moi, j'ai une amie, son fils lui dit... Cutin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est une femme qui sexe. 5 ans et demi. Une femme qui sexe. Et donc, il ne savait pas du tout, mais il avait repris les trucs. Alors voilà. Oui, je pense que le câlin, c'était une bonne idée. Mais oui, mais c'est vrai. Elle a raison, Marie-Odile. Une fois qu'on est parti, on ne sait plus faire marche arrière. En disant... Je t'expliquerai une autre fois. Non, ça non, marche non, pas. Parce que là, voilà, le malaise est là, le mot est tabou, l'enfant le sait, et donc il va provoquer jusqu'à ce qu'on réagisse. Oui. Et au plus on réagisse fort ou avec autorité, au plus ça a de pouvoir. Donc c'est bien, comme elle l'a dit Marie-Odile, en disant que elle a donné des synonymes aussi, donc ça permet à l'enfant. De... Et puis à cet âge-là, on n'a pas besoin de savoir exactement ce qui se passe. Tout. Bah oui, c'est vrai. Mais comme quoi, l'enfant peut dire, pourquoi c'est une insulte si sa femme-là vive ça? Et puis pourquoi est-ce qu'on dit ça? Finalement, c'est un mot qui désigne même pas ça, quoi. C'est ça qu'il faut dire aussi à l'enfant. Voilà, ça ne désigne. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien c'est à vraiment voir. Un mot. Ça aurait pu être n'importe. Ça aurait pu être table, hein. Si la table n'avait pas été avait été tabou, oui, peut-être mais que voilà, ça aurait mais c'est pu être ça, ça aurait pu être n'importe quoi. Les Romains utilisaient déjà CON. Ouais. Donc voilà. Mais voilà. Ouais. Encore une fois, ça permet de se défouler. Et encore une fois, quand on dit ce mot-là, on pense pas nécessairement à donc. Et moi, je pense qu'une fois que l'enfant connaît la signification, plus ou moins, il n'y a pas besoin d'avoir rentré dans les détails à 6 ans sur le mot péripatéticienne, mais je pense que c'est important que l'enfant ait une idée et donc il peut ranger ce vocabulaire. C'est bon, il le connaît, il sait, c'est et puis voilà, on le range. Vaut mieux expliquer, oui, toujours. Voilà, toujours. 0,70, 23, 33, 23. SMS 30, 63. Et vous, comment est-ce que vous avez réagi? Venez vraiment nous dire si votre enfant a continué après une de vos réactions, ou si votre enfant a stoppé, si votre enfant a amélioré, si votre enfant a... Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que votre enfant a perçu votre explication? Est-ce que vous étiez... Vous êtes emberlificoté dans les explications, vous êtes emmêlé les pinceaux, ou bien c'était clair, de l'autre, comme le lourd roche, vous êtes quand même assez fier de vous, parce que vous avez su trouver les mots justes. À vous de nous le dire. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. Sur Vivacité, on parle des gros mots, c'est pas bien les gros mots, pourtant tout le monde en dit. On distinguera à nouveau gros mots, injures, insultes, on l'a déjà fait. Les gros mots qui ont de multiples fonctions selon l'âge de l'enfant, on a passé du cacaboudin, les premières expressions, les premiers gros mots de l'enfant qui tentent de se rendre intéressant, vous l'avez dit à plusieurs reprises. Ensuite, 6 ans, on teste, hein, à ce moment-là, ils testent nos enfants, la réaction d'entourage. Et après 8 ans, c'est plus de l'imitation, c'est plus pour entrer dans le clan, pour faire comme... C'est pour faire genre. Pour faire genre, ouais, pour se donner un genre. Et puis après, bah, après ça passe sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. On fera d'ailleurs une émission à ce sujet-là mercredi prochain quand on sera en direct du Salon de l'éducation de Charleroi. Catherine, dans quelques instants, s'exprime. Elle nous parle d'un sketch qui met en évidence ça. Peut-être bien de voir ce sketch avec les enfants, on verra. Elle nous parle de ça. Ça se passe autour d'une partie de Scrabble en famille. Je connais pas. Mais un oui, Scrabble gros mot, ça doit être sympa, ça. Ça, c'est pas mal non plus. Ça donne du vocabulaire. On va faire un Scrabble au lieu de la minute des gros mots, on va faire un Scrabble que sur les gros mots. Voilà. On verra qui va avoir le plus de points. Orthographe et vocabulaire. Trois fois, wow. mot compte triple. Bon, Catherine, ne bougez pas, dans quelques instants, c'est à vous de vous exprimer. Discount fête cette année ses 50 ans. Et c'est bon à savoir, car il y a de super réductions sur une foule d'articles et des superbes prix à gagner. Ça, c'est bon à savoir. Moi, sur mon pot Nutella, j'écrirai « Je t'adore ». T'es canon ou quelle biche ? Coucou pour tous mes petits loups. Beau gosse pour mon copain. Je mettrai un bisou parce que j'adore les bisous. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Bonne nouvelle pour les futurs parents et jeunes mamans. Le Salon Baby Days se tiendra à Tour Taxi le 8-9 octobre. Découvrez toutes les nouveautés. Vous recevrez en plus des cadeaux, des échantillons et une photo gratuite de votre bébé. Baby Days à Tour Taxi le 8-9 octobre de 10h à 18h. Info babydays.be. L'univers du sommeil vous présente ses méga deals. 50% de réduction en octobre pour votre partenaire sur un lit double chez Hopping, Latoflex ou Wet Sleep. Univers du sommeil, votre conseiller du sommeil à Bruxelles, Linkebeek et Ternat. Conditions sur universdusommeil.be. Psst, l'univers du sommeil vous offre également la TVA sur la plupart de ses produits. C'est 6, 7 et 8 octobre, tu sais où je suis ? Oui, au Westland Shopping. Oui ! Et pourquoi ? Pour la braderie d'automne, évidemment. Dis, tu lis dans mes pensées ou quoi ? Non mais, j'ai Facebook, et je peux même te préciser qu'il y a plein de bonnes affaires à faire pour renouveler, par exemple, ta garde-robe. Continue. Et pour les enfants, atelier cire, grimeuse, jazz band, artiste de rue. Dis donc, tu serais pas en train de me dire que tu m'invites les 6, 7 et 8 octobre au Westland Shopping ? Ben mieux, je t'y emmène. Allez, viens. Info, westlandshopping.be, Ring West sortie 14, parking facile. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour Catherine, bienvenue. Oui, merci, bonjour. Catherine, les gros mots, ça vous fait penser à un sketch. Eh bien oui, c'est un sketch. En fait, le propos m'a vraiment rappelé ce sketch de Muriel Robin et de Pierre Palman. Dans Ils se sont tant aimés, c'est pas ça ? Ils se sont tant aimés. Peut-être. Mais toujours est-il que c'est un sketch qui se passe en famille et autour d'une partie de Scrabble où les enfants écrivent les mots les plus épouvantables et des gros mots qui démontrent complètement les parents interprétés par Muriel Robin et Pierre Palman. Et c'est vraiment magnifique. Et effectivement, comme vous le disiez, on fait le comptage des mots et des lettres qu'on double, qu'on triple. Et c'est assez ravissant et cocasse. Voilà. Ça vous fait penser à ça. Bah oui, mais pourquoi pas, hein ? Pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer en effet une partie de Scrabble ? Là-dessus, oui, Nathalie. Une partie de Scrabble, oui, ou le mot le plus vite, ou le mot qui commence par la lettre. Ah oui, oui, c'est pas moi, ça aussi. Voilà. Dans la voiture, c'est encore plus marrant. La voiture, c'est marrant, quand puis ça ne demande aucun matériel, donc c'est pas mal. Oui, c'est ça fait passer le temps, hein, Catherine. Et vous, par rapport à ça, ça vous choque quand c'est dit par des enfants ou... Ben écoutez, moi j'ai suivi un peu comme une de vos précédentes auditrices, oui. Dominique, qui demandait d'écler le mot. Ah. Et moi, je demandais aussi, on va écrire le mot et on va chercher avec l'orthographe erronée dans l'extérieur. Je disais, bon, on attend de savoir écrire les mots avant de pouvoir les dire. Et puis, c'est passé assez facilement. Maintenant, les enfants sont grands, ils ne sont pas des gens qui utilisent un vocabulaire chartier non plus. Donc, je pense que c'est passé assez tranquillement. Quoi. Parfait. Ce sketch de cette partie de Scrabble en famille de Muriel Robin et Pierre Palman, ils se sont tant aimés, c'est pas ça. C'était avec La Roche, comment s'appelle-t-elle, l'actrice ? Comment ? Ils se sont tant aimés, c'est avec une avec La Roche, comment s'appelle-t-elle ? Oui, je ne sais plus son prénom. Oui. C'est ça, hein ? Ouais, je pense ça. Que sur YouTube, la partie de Scrabble... Oh, sûrement. Si on tape Muriel Robin et Pierre Palman, il y a moyen, à mon avis, de la retrouver. Bon, voilà encore une fois une façon peut-être... comique, de faire passer la pommade. Parce qu'encore une fois, vous mettez une responsabilité sur nos épaules, mais vous avez raison. En tant que coach scolaire, Nathalie Van Krynes, c'est que de notre réaction dépend la suite. C'est la façon dont on va réagir. Oui, c'est la façon dont l'adulte, dont le parent ou l'instituteur va réagir, qui va faire que ça va s'entraîner ou pas. Oui, parce que vous avez raison de dire l'instituteur, parce qu'à l'école, voilà. On entend tout ça. Donc, et punir, c'est pas bien. Punir, ça va focaliser. Mais voilà, non, ça va pas aider. Mais parce que celui qui dit, c'est le dernier de la chaîne. Non, mais c'est vrai. Oui, quand on c'est punit, celui qui est puni. C'est le dernier de la chaîne. Enfin, généralement, c'est comme on dit, c'est le petit conspoche. Alors qu'il a répété ce qu'il a entendu. Voilà. Et, Oui. Non. Par contre, voilà, je pense qu'on peut faire une recherche, par exemple, on parlait des matières fécales tout à l'heure, on peut faire une recherche et un cours scientifique assez long en sciences sur tout le vocabulaire des matières fécales chez les animaux, ce que ça contient, ça peut être drôle, hein. Voilà, une bouse de vache, ce n'est pas un crottin de cheval. Mais oui, mais vous avez raison, il parlait de ça, ça va comme ça, et en même temps... Bah oui, et, en même temps ça, et en même temps, ça désinhibe complètement, et c'est parti. C'est, voilà, on n'est plus dans le domaine de l'interdit, on n'est plus dans le domaine du tabou, et donc, ben, l'enfant acquiert du vocabulaire, ça peut être le départ d'une leçon, tout à fait. Il y a pas mal de réactions sur la page Facebook. Dominique nous dit, lorsque nos filles disaient un gros mot, je leur demandais de les plaire. Ben voilà, très vite, elles ont cessé d'en dire, je leur ai appris quelques synonymes, purée, mince, tout ça. Cathy, elle écrit, un jour que je m'occupais de mon plus jeune fils, j'ai entendu son grand frère de 3 ans chantonner seul dans sa chambre, je me suis approchée, il regardait par la fenêtre et tout fier disait... Putain. Ça, il faut laisser tranquille. En chantonnant, apparemment, très fier de lui, je lui ai dit, mais que chantes-tu ? Il s'est arrêté tout net, tout gêné, et m'a dit, du thym. Il avait conscience de l'interdit, mais se sentait apparemment fier de prononcer ce mot. Mais ça, quand c'est dans la chambre, quand c'est avec ses jeux, et que l'enfant est tout seul... Le mieux, c'est de fermer la porte et de pas écouter. Bon. Tant que ça en est là, c'est pas grave. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez intervenir sur les gros mots, le temps d'écouter Johnny. Vous pensez que Johnny dit des gros mots parfois? Johnny, c'est ouais. Encore bien. À queue. 100%, c'est une chanson en plus écrite par son fils David. C'est Johnny et David, donc derrière. J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. Le bon point en double zéro, paralysé par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace, au-delà de nos différences. C'est beau. C'est beau, c'est loin de toi, ma... Ah, voilà, ben justement, parlons-en, parce que on se disait ça, c'est Johnny quand il chante « Toi, ma gueule » et que les enfants répètent, on dit « Tu peux pas ». Il dit, bah oui, je l'ai entendu à la radio. C'est ce que Pépère écoute dans sa voiture, Johnny. Et pourquoi je pourrais pas? Et pourquoi moi je peux pas dire? Et moi, oui, parce que c'est pas un beau mot, parce que. Non, là, il faut aller chercher des synonymes. Toi, mon visage. Toi, mon visage, ma bouche. Toi, ma face. Ma face. Toi, ma face. C'est moins drôle. C'est moins drôle. Nathalie, bonjour. Bonjour. On vous prend tout de suite, Nathalie, sur antenne, parce qu'en effet, vous nous parlez d'une chanson aussi. C'est ce que les enfants entendent à la radio. Oui, et puis on l'écoute à la maison, on aime encore bien le groupe Queen, alors on aime bien le morceau We Will Rock You. Oui. Et alors, je ne sais pas, il a associé, pourtant on ne l'a jamais fait à la maison, mais au lieu de Rock You, bah, il a utilisé un autre mot très courant en anglais. Oui. Et mais j'arrive pas à lui expliquer quand même trop comment... Il l'a entendu, sûrement. Il l'a entendu, et alors il me le dit avec un grand sourire, mais il sait très bien que ça doit avoir un sens particulier, mais là je suis un peu bloquée. Si et vous dites quoi alors? Vous lui dites, on ne dit pas ça, c'est pas les paroles de la chanson, c'est pas... Voilà, ça je dis ça, et puis après, maintenant, comment expliquer ce mot-là? Il a 6 ans, qu'est-ce qu'on tu fait dis Nathalie? C'est un mot anglais, à part ça Oui, ben là, il va falloir passer par l'explication, la traduction en français. Ah oui. À un enfant de 6 ans. Ah oui. Ça, voilà. Aidez Nathalie, vous dites quoi? Il va falloir expliquer que ce sont des termes qui sont réservés aux grands, parce que, voilà. Allez-y, dans un moment, vous vous sentez bien, en forme. Mais il faut le faire. Il ne faut pas continuer à chanter en souriant. Parce que sûrement qu'il a entendu des copains, ça s'entend assez facilement. Je ne vais pas le répéter. On le répète assez souvent. Sans rentrer trop dans les détails. Mais en disant, écoute, ça ne se dit pas. Si tu devais le dire en français, ce ne serait pas aussi joli. Voilà ce que ça peut... Vous dites quoi en français, un enfant de 6 ans? Allez jusqu'au bout, Nathalie. Bon, parler d'amour plutôt que de baiser, quoi. Moi, je ne sais pas ce que je dirais, c'est pour ça que je vous le demande. Le mien a 6 ans aussi, donc... Moi, je dirais que ça a rapport à l'amour, mais que c'est dit de façon très vulgaire... De façon méchante et même dévalorisante pour les femmes, et que donc je ne le dirai plus. Je suis en train de chercher les mots que je utiliserai dans votre situation, Nathalie. Utilisez vos mots et voilà, préparez-le. C'est difficile de vous donner une phrase comme c'est ça. Vous connaissez votre fils, donc c'est vrai que essayez de préparer ça. Voyez le vocabulaire auquel il a accès et préparez-le. Voilà, faites-le dans un moment où vous êtes calme, apaisé. Dans la voiture, où vous êtes ensemble. Ouais. Éventuellement, quand ça s'entend dans une chanson, tiens, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Laissez-le venir avec des explications à lui. Et puis après, recadrez. Désolée, il va falloir y passer. Là. Ouais. 070 23 33 23, SMS 3063. Ceci est un message pour les professionnels du secteur Horeca. Vous voulez tout connaître des nouvelles tendances en food, fine food, snack, boisson, cuisine, service et découvrir des solutions de management et e-management? Visitez les 2, 3 et 4 octobre à I Love Horeca, le salon professionnel Horeca à Tours et Taxi. I Love Horeca, c'est aussi le lundi 3 au soir. Une nocturne champagne sur invitation de l'un des 150 exposants que vous retrouverez sur notre site. I Love Horeca, c'est les 2, 3 et 4 octobre à Tours et Taxi. Plus d'infos à ilovehoreca.be. Vivacité présente. Bon alors tu y vas? Oui, oui. Alors en 8 lettres, je mets commerce, C-O-M-M-E-R-C-E, et je marque 14 points. Ah, c'est pas mal, mais moi j'ajoute équitable. Oh, mais ça veut dire que t'as gagné ça? Ça veut surtout dire que tout le monde y gagne. D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 199€. Vincent, pince-moi, je crois que je rêve. Aïe ! Non, c'est toujours pas mieux là. Renverse-moi ce dos sur la tête. Oh, c'est froid ça ! Alors, prends cette batte là et vas-y, frappe-moi vraiment, vas-y. Ah, non, ah bah c'est que je dois peut-être pas rêver alors. Les smartphones de vous, hier dans vos rêves, aujourd'hui dans votre poche. Avec un des forfaits Vous Mobile, profitez de notre gamme de smartphones à prix de rêve, disponible dans votre boutique Vous. Et il est temps de penser à Vous Mobile. Offre soumise à condition. Vivacité présente la semaine numérique. Hashtag cool, apprenez à décoder les hashtag nouvelles technologies et bien plus lors de hashtag la semaine numérique du 10 au 21 octobre. Hashtag c'est bientôt, youpi! Participez à des centaines d'activités en Wallonie et à Bruxelles. Hashtag c'est pour tout le monde, hashtag pas que pour les geeks. Hashtag lol, plus d'infos, lasemainenumérique.be. Sur Vivacité. Parfois, on se dit, comme Bénédicte qui vient nous appeler, qu'on éduque nos enfants de la même façon et qu'il y en a une qui va dire des gros mots et que l'autre ne va pas dire des gros mots. Elle dit sa fille, 14 ans et demi, elle n'a jamais dit un gros mot. Et par contre, l'autre, elle en dit tout le temps. Elle a 18 ans, elle ne peut pas faire une phrase sans en dire un. Donc voilà, elle est interpellée par rapport à ça aussi, elle s'interroge. Alors, voilà, j'ai mis une hypothèse, c'est peut-être que l'aîné n'a pas le vocabulaire suffisant au niveau émotionnel que pour pouvoir s'exprimer. Vous l'avez dit en début d'émission, c'est bien de le rappeler. Parce que c'est souvent le cas quand passait, je dirais, l'adolescence, parce que là, 18 ans, on arrive dans l'adolescence. Mmh. Quand on garde un vocabulaire comme ça, aussi peu châtillé, c'est souvent qu'il y a un petit manque de vocabulaire. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention aux gros mots, parce que vous l'avez dit en début d'émission, vous le rappelez aujourd'hui, c'est parfois parce qu'on ne sait pas exprimer autrement les émotions. Voilà. Ouais. Donc, c'est important, si on peut encore rééduquer à l'expression des émotions par des jeux ou par des cartes. Voilà. Oui, parce qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, non, même en tant qu'adulte, mm-hmm. il n'est jamais trop tard. Mm-hmm. Pour pouvoir exprimer convenablement ses émotions. Donc ça, c'est important. Il y a des tas de choses qui existent pour pouvoir s'aider à ce niveau-là. Ce dont on n'a peut-être pas parlé, ce sont les alternatives qu'on peut proposer à nos enfants aussi, d'aller chercher dans la littérature, dans les bandes dessinées, d'aller chercher les gros mots. Ça peut être drôle aussi de remplacer un « m » par un « bachibouzou » ou quelque chose comme ça. On leur donnera des pistes de réflexion par rapport à ça. L'émission n'est pas finie, mais dans quelques instants, il y aura la petite séquence santé, puisque c'est une nouveauté. Donc je vous proposerai de découvrir un sujet santé avec le docteur Van Snick, que vous retrouverez en télé tout à l'heure, 17h10 sur la 2 avec Adrien de Viveur. Citoyenne, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais une nouvelle fourgonnette performante et fiable, mais j'en ai besoin tout de suite. Ah, certainement. Parce que je suis jardinier, vous voyez, je dois terminer un chantier de toute urgence. Ah, mais pas de problème. Alors, écoutez, je vous sème 50 mètres carrés de gazon. Monsieur. Et puis je viens pondre chaque semaine. Écoutez, c'est gentil, mais. Pas besoin d'en faire autant. En octobre, pendant les jours pro, Citroën propose une gamme de véhicules utilitaires disponibles immédiatement. Et avec l'offre Option Plus, vous recevez 50% sur les options. Plus d'infos sur business.citroën.be. Citroën. Offre soumise à condition. Les maîtres boulangers se lèvent à l'aube pour vous préparer un petit déjeuner d'une qualité unique chaque jour. Ces passionnés sont mis à l'honneur la semaine prochaine sur Vivacité. Écoutez les matinales et vous remporterez peut-être votre petit déjeuner croustillant durant plusieurs semaines. En collaboration avec la PACW et les maîtres boulangers pâtissiers de votre région. Artistes et maîtres boulangers pâtissiers. La passion est au cœur de nos métiers. Vivacité présente le European Open. Le meilleur du tennis mondial, enfin en Belgique, du 15 au 23 octobre, au Lotto Arena d'Anvers. Richard Gasquet, David Ferrer et bien sûr, le Belge David Goffin. Les meilleurs joueurs seront au rendez-vous. Et vous, info et tickets sur europeanopen.be. La séquence santé, nouveauté depuis la semaine dernière avec le docteur Georges Van Snick. Je connais enfin votre prénom, Georges. Et je le retiendrai. Vous allez bien, Georges ? Je vais très bien. Alors, c'est comique parce qu'à la TV, on m'appelle Doc Géo. Oui. Qui est le prénom que mes amis me donnent. Et puis, en radio, je m'appelle Doc Georges. Donc, il faudra quand même qu'on décide. Bon, Géo, ça me va bien aussi. Ça fait un peu penser au Club Med. Hein. Mais bon, tant mieux. Bon, ben justement, tout ça, c'est bon pour le cœur. Hein. Déjà, la séquence bonne humeur. Que vous nous amenez, même si le fond est très sérieux. La semaine du cœur est terminée, docteur Van Snick. Comment fait-on pour, malgré tout, protéger notre cœur tout au long de l'année, hein ? Ça ne se fait pas que pendant une semaine. Oui, c'est vraiment essentiel, c'est d'agir au quotidien, de s'y tenir évidemment toute l'année. Hein, les bonnes résolutions, ça ne sert à rien, il faut les dépasser et il faut vraiment se mettre en prévention cardiovasculaire. Mm-hmm. Et finalement, il faut les intégrer à la routine, faire un programme moderne et continu, bien sûr. Ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a, puisque la semaine du cœur était là, donc on a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites, des recensements, combien de décès peut-être par an, est-ce qu'on a quantifié tout ça ? La Ligue cardiologique nous annonce 31 000 décès par an de maladies cardiovasculaires. Ça reste la première cause de mortalité en Belgique. Mmh. Donc que faire vraiment en plus peut-être de ce qu'on sait, mais enfin il est toujours bon de rappeler aussi les grandes généralités. Eh bien, il faut adapter en fait toutes les mesures hygiéniques, diététiques simples. C'est-à-dire, bien sûr, arrêter le tabac, il faut manger le moins de graisse possible et surtout un maximum d'oméga-3. Et moyennant ça, on peut réduire le risque vasculaire, évidemment. On sait que 45% des Belges souffrent de surcharge pondérale ou d'obésité, ce qui fait presque un Belge sur deux. Mmh. Que 35% sont des adeptes du divan, et pas du divan du psychanalyste, du divan télévision, et que 25%, même 30% sont des fumeurs. Alors voilà les vrais

Et quand c'est elle qui le dit, vous lui signalez et vous mettez des espèces de petites gommettes, vous savez, sur un tableau. Oui. À celui qui en aura le plus. À celui qui en aura le moins. Oui, oui. Et oui, il oui, choisit oui. l'activité. Activité qui doit être gratuite, évidemment, mais qui vous. Ou qui on vous met dans lit. Un cochon. On met une pièce dans un cochon. Oui, ouais, il faut avoir des pièces. Bon, ça, on est voilà. vite au billet. Hein, mettez des croix, des gommettes, enfin peu importe, mais celle qui a le moins de gommettes dans la semelle choisit une activité où vous êtes à deux. D'accord. Oui. C'est bien d'oser poser la question. Parce qu'en général, oui. on dit je dis jamais ça, moi. Mais non, je dis jamais, jamais ça. Mais jamais. Mais c'est pas moi. Mais c'est pas moi. Et au moment où je le dis, je sais et j'essaye de dire purée, j'essaye de me rattraper, mais bon, c'est déjà sorti. Et bah, on fait la morale aux enfants alors que nous-mêmes, bah, voilà. Oui. Donc c'est ça, c'est un peu. Tu ne peux pas, mais. Mais moi, de oui. De temps en temps, maman, oui. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. C'est pas tout à fait sérieux. Ouais. Merci Stéphanie d'avoir pris la parole par rapport à ça. Les alternatives, allez, quelques alternatives. Ben oui, donc dans le Capitaine Haddock. Capitaine Haddock, allez les chercher dans la littérature. Si vous aimez la lecture, c'est une bonne idée, c'est d'aller rechercher dans la littérature les gros mots, parce qu'il y en a des beaux. Il y a des ventres bleus, il y a des bachibouzouk. Moi, j'adore bachibouzouk, ça perd l'hypopète. Ouais. Mais ça fait pas rire, donc c'est ça, l'enfant va... Oh si, ça les fait rire, oui, hein. ça, va... ça perd l'hypopète, c'est dur à dire. Oui, mais ça... si c'est dans la cour de récré, ce sera pas la même chose. Oui, c'est pas pareil que... Mais on peut lui dire, bon... Mais la cour de récré, c'est un milieu à part. Voilà, ce qui on va laisser la tomber récré. Dans la cour de ouais. récré, c'est dans la cour de récré. Ouais, ouais. Je pense que les éducateurs s'amusent même plus à relever. Mais non. Voilà. Et surtout, moi je veux insister sur le fait qu'il faut bien faire la distinction entre le juron qui est bazardé comme ça et l'injure, parce que l'injure, elle est intolérable. Ce ne sont pas les gens qui sont CON, c'est les comportements qui sont idiots. Et c'est important de faire distinguer ça aux enfants. Bon, bien. Donc c'est l'utilité des gros mots, encore une fois, et c'était intéressant de faire cette émission-là pour, en effet, essayer de soulager les parents qui se sentent coupables en disant « Oh là là, j'ai mal éduqué, j'ai des gros mots ». Non, non, non, les gros mots ont de multiples fonctions selon l'âge de l'enfant. Il y en a dans les chansons, il y en voilà. a et on à la télévision. Prouver aujourd'hui. Nathalie Van Kreinest, elle est sur son site, elle fait des conférences, elle fait des consultations. Merci Nathalie. Merci Sylvie. Allez, retour à suivre. Et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Bon après-midi à tous. Il y a toujours un contraste entre l'ouest du pays où le ciel est plus lumineux et l'est où les dernières averses vont s'évacuer. On reviendra un temps sec partout en toute fin de journée, 13 à 18 degrés pour les maxima. Le vent est de nord-ouest aujourd'hui, il va passer à l'est l'année prochaine et demain on devrait avoir assez bien de nuages bas demain matin, puis ensuite l'après-midi on espère des éclaircies. 13 à 18 degrés, un temps sec pour la fin de la semaine et notamment mercredi du soleil qui devrait se montrer généreux, mais la masse d'air a tendance à se rafraîchir. On ne dépassera plus 10 à 15 degrés. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info efp-bxl.be. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Votre jardinerie pépinière Le Longfond. Pépinière Le Longfond. C'est 750 mètres carrés couverts pour vos plantes, décorations, meubles de jardin et produits du terroir. C'est vendredi, samedi et dimanche. Profitez de nos actions portes ouvertes. Le Longfond, chaussée de Bruxelles, à 500 mètres du château de la Hulpe. Pépinière Le Longfond. Les maîtres boulangers se lèvent à l'aube pour vous préparer un petit déjeuner d'une qualité unique chaque jour. Ces passionnés sont mis à l'honneur la semaine prochaine sur Vivacité. Écoutez les matinales et vous remporterez peut-être votre petit déjeuner croustillant durant plusieurs semaines. En collaboration avec la PACW et les maîtres boulangers pâtissiers de votre région. Artistes et maîtres boulangers pâtissiers. La passion est au cœur de nos métiers. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Allô, Pour tout savoir sur les tendances de la mode pour cet hiver, rendez-vous chez Poincaré. Jusqu'au dimanche 9 octobre, c'est la semaine de la mode chez Poincaré. Profitez de moins 15% sur toute la collection. Info et horaires, poincaré.eu. En octobre, ce sont les conditions d'automne chez Ego. Montage gratuit de votre nouveau placard ou dressing sur mesure. À découvrir sur ego.be. Vivacité, il est 15h. Et voici l'actualité avec Simon Bourgeois. Bonjour Simon. Charles Michel rencontre les syndicats d'ING dans une heure. Ils feront le point ensemble sur la situation après la douche froide de ce matin. La banque a annoncé la suppression de 3150 emplois et la fermeture de la moitié de ses agences en Belgique. Les syndicats parlent d'une décision scandaleuse alors que la banque fait de bons résultats chez nous. Ils ont demandé au personnel de ne pas travailler. Aujourd'hui, ils annoncent en plus une grève dans toute l'entreprise vendredi. Le Premier ministre, lui, demande à la direction d'assumer ses responsabilités et surtout de tout faire pour limiter le nombre de licenciements secs. Chris Peeters, le ministre de l'Emploi, lui demande à la Fédération des banques d'aider les employés licenciés à retrouver un travail. Fébelfine a répondu « Nous allons étudier la possibilité de consacrer un budget pour la reconversion professionnelle ». La direction d'ING, de son côté, a donné quelques explications.